Méchants veulent m'amadou, eh. J'suis une femme et très doux, eh. J'fais bisous, cadoudou, eh. Retiens bien que c'est pas un inconnu qui connaît tes faiblesses. Ça fait mal, mais c'est souvent ceux qui disent tata à ta mère. Le temps file dans le sablier. J'ai du mal à oublier. J'ai du mal à pardonner. Comme si mon cœur s'arrêtait. J'en servis sans rien demander. J'ai un cœur, Dieu soit loué. Et quand j'aime, j'peux tout donner, donner, donner, donner, donner. Ça vaut non, c'est envolé. Si cœur n'est pas réparé, je dois faire comme si tout allait, comme des parents divorcés, mes sentiments condamnés. Je crois que je m'aimais pas assez. C'est dur quand faut avouer. Je préfère mourir que ce ciao. Ta gueule, t'es réglo, on te fait la guerre. Mais dans le fond, y'a que les bouffons qui jouent et petites marionnettes. Des fois, je pense le front à terre. On se connaît pas tout à fait. Comme un orphelin qui sait pas où aller pour retrouver son père. Tous les mecs, c'est des menteurs. Mon gars, faire les géniteurs. Tu comprendras bien que quand ils viendront soulever ta sœur, tu mènes une vie pas très saine. Tu gères des meufs pas très saintes. Et pour elles, tu t'es donné, donné, donné, donné, donné. Non, c'est envolé. Petit cœur n'est pas réparé. Je dois faire comme si tout allait. Comme des parents divorcés. Mes sentiments condamnés. Je crois que je m'aimais pas assez. C'est dur quand faut avouer. Je préfère mourir que ce ciao. Je préfère répondre à l'appel. On dit que tous les moyens sont bons. Mais cette phrase-là, c'est pour les faibles. J'ai longtemps chanté Alouette. Ma carrière n'est pas allouée. Tu donnerais tout pour la lumière. Pourtant, t'as que dalle à donner. Tu sais que la confiance se gagne. Et que le respect, tu vas le chercher. Pour les fous, les tueurs, un gage. Des insolvables et cervelés. Des valeurs dévalorisées. Les principes, c'est plus que c'était. T'avais cru me voir dernière. Mais les derniers seront premiers. We'll be right back.